بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد شاف خير صغر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et toujours avec les héritiers des prophètes sur l'importance de la connaissance ainsi que son éthique et sa méthodologie dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est toujours avec notre deuxième chapitre qui traite du concept de la science. Qu'est-ce que ça veut dire al-ilm? C'est quoi les différentes formes de al-ilm? Et maintenant on passe à une nouvelle section qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. On a parlé déjà de la classification de l'ilm, de la science, n'est-ce pas? On a dit que la science peut être une science qui est relative à ce bas monde ou bien une science qui est relative à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire à l'au-delà principalement. Maintenant, à partir de maintenant, on veut parler de la science qui parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont ces différentes formes? Quelles sont ces différentes formes? Et s'il vous plaît, donnez beaucoup d'attention à cette section, elle est extrêmement importante. C'est parce que c'est vraiment là où on parle du concept de la science dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, presque tout ce qu'on va dire ici, on va s'inspirer, presque toute cette section est prise d'un petit livre qui est écrit par un grand savant de l'islam qui s'appelle Al-Imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, et qui porte le même nom de notre séminaire, qui s'appelle Warathatul Anbiya, les héritiers des prophètes, n'est-ce pas? Ça, c'est un... Je ne sais pas si c'est traduit en français, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça avant? Les héritiers des prophètes, Imam Ibn Rajab, c'est traduit en français? Non, donc si vous pouvez trouver ça, ça serait très intéressant à acheter et à lire, inshallah ta'ala, c'est fort intéressant. Donc, c'est un grand imam de l'islam, donc c'est super crédible ce qu'on va mentionner, inshallah ta'ala, même si ça va vous choquer. Ça va être des choses qui sont un peu nouvelles, n'est-ce pas? Vous vous attendiez pas que c'était si sérieux que ça, cette question de l'ilm, mais comme je l'ai mentionné, tout ce qu'on va mentionner, inshallah ta'ala, vous allez trouver dans ce livre qui s'appelle Warathatul Anbiya, ou bien les héritiers des prophètes, Imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Rajab, rahimahullah, bien sûr, je ne mentionne pas ici dans l'ordre de ce qu'il a mentionné, j'ai réorganisé l'information. Il nous dit qu'il y a deux formes de connaissance, de science reliées à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui ont un ilm qu'on appelle « alimun billah », quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui connaît son Seigneur. Et ça, vous allez beaucoup trouver cette expression dans les livres de spiritualité, les livres des soufis, etc. Ils vont toujours vous dire, telle personne, kana arifan billah, c'était quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous? Alimun billah, quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre aspect, l'autre partie de la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alimun bi'amrillah, quelqu'un qui connaît les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui connaît les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon vous? Oui, c'est quoi la différence entre connaître Allah et connaître les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? La question change. La question change, mais tu t'es engagé quand même. Taïb. Oui, mon frère. Connaître Allah, c'est par rapport à ses attributs, les gens qui s'est attribué lui-même. Et connaître les ordres d'Allah, c'est les commandements qui nous a... Moumtaz, excellent. Donc, comme le frère, il a dit, n'est-ce pas? Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître notre aqida, connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, c'est ta vie spirituelle en quelque sorte, mais qui se fait selon la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Connaître les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Halal, haram, obligatoire, mustahab, makruh. Voyez-vous, ça c'est connaître les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amrullahi azza wa jal. Alladhi amara bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire telle et telle et telle chose. Maintenant ces deux, n'est-ce pas, j'ai commencé à mentionner ça pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Et ça, ça nous mène en réalité à notre réelle classification pour cette section-là que l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a pris d'un grand savant de l'islam, l'un des ancêtres de l'islam, qui nous a dit, qui s'appelle imam Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui a dit qu'il y a trois types de ulama. Concentrez-vous bien. Il y a trois types de ulama, de savants, de personnes de science. Il y a quelqu'un. Et bien sûr, ces trois types-là sont prises des deux formes de science. Qui pourrait comme ça faire... Qui est bon comme ça en probabilité mathématique et nous faire sortir c'est quoi ces trois personnes? Selon les deux formes de science que nous avons mentionnées. Il y a l'ignorant, bien sûr, lui on ne va pas le compter, celui qui ne connaît ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous reste quoi comme option? Trois options. C'est quoi les trois options? Alimun billahi wa alimun bi amri Allahi ta'ala. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, nous avons alimun billahi laysa yafqahu amr Allah. Quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala mais qui ne connaît pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne connaît pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième personne, c'est quoi, logiquement? C'est celui qui connaît les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne connaît pas Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Voyez-vous quand on dit oui? On va les répéter maintenant, inshallah, parce qu'on va pas, on va les prendre un par un, on va en parler en détail, inshallah. Oui. Comment tu peux connaître? Ben, on va le voir maintenant, inshallah. On va le voir maintenant. Voyez-vous, même dans le dialecte comme ça, n'est-ce pas, le langage familier de certaines cultures, dans certains pays musulmans qui parlent arabe, quand ils veulent te dire, lui, il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, et taqillah, ils disent quoi? Il ne connaît pas Allah, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu ça avant ça? Il ne connaît pas Allah, lui, il ne connaît pas. Ils le disent dans leur dialecte, bien sûr, en arabe, pas en français, voyez-vous, mais ça veut te dire que c'est quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, parlons de ces trois personnes en détail. C'est très important parce que ça va vous donner le profil type de toute personne qu'on va relier à la science. Toute personne dans votre vie qu'on va vous dire, ah, ça, c'est un alim. Ah, lui, il connaît la religion. Ah, c'est quelqu'un de très religieux, etc. Vous pouvez le mettre dans un des trois. Un, deux ou trois. Ça, c'est trois profils types que nous allons dresser, incha'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On va commencer par le pire des trois, qui est « Alimun bi amrillahi laysa bi alimin billah ».« Alimun bi amrillahi laysa bi alimin billah ». Celui qui connaît les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais qui ne connaît pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la pire des personnes. Et c'est la personne la plus dangereuse. La présence d'une telle personne dans la Oumma du prophète, alayhi salatu wasalam, dans une communauté en particulier, est un problème. C'est une catastrophe. Et on va voir pourquoi, inshallah ta'ala. Et je vais prendre ici, comme j'ai dit, peut-être parfois les mots sont durs. Si vous voulez vérifier tout ça, vous revenez à ce livre, Warathat al-Anbiya, Imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. C'est lui qui nous dresse ce portrait en quelque sorte. Voyez-vous, je n'ai pas inventé des choses de moi-même. Il dit ici, Huwa al-alimu al-fajir. Huwa al-alimu al-fajir. C'est le savant désobéissant, le savant pervers, entre guillemets. Ça veut dire celui qui connaît beaucoup la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne la met pas en pratique, mais qui ne la met pas en pratique. Ça veut dire, sa connaissance est une connaissance qui est pure. Voyez-vous, ce n'est pas une connaissance qui est reliée à sa pratique. Ses connaissances, c'est une chose, sa pratique, c'est une chose qui est complètement différente. غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْقَسْوَةُ وَالْجَفْوَةُ. Tu veux savoir c'est quoi les signes d'une telle personne pour l'éviter, pour faire attention, n'est-ce pas? Il va nous donner maintenant c'est quoi des indications qui t'indiquent que, ah, attention, telle personne, même s'il connaît beaucoup halal, haram, telle règle, n'est-ce pas? Il y a quatre opinions, cinq opinions, telle chose, attention. Si tu vois le profil qui va te tracer maintenant, sois méfiant. C'est des personnes qui sont dures, ça veut dire dans leur comportement. Ce n'est pas quelqu'un qui est souple et doux comme le prophète alayhi salatu wasalam il était. Voyez-vous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un cœur dur. Ça veut dire un cœur dur, habituellement, il te donne une indication que la personne, probablement, elle a une relation qui est faible entre elle et entre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Al-i'radu, de leur signe. Al-i'radu ala al-akhirati wa al-tanafusu fi al-dunya wa mahabbatu al-ulu. C'est quelqu'un qui se détourne de la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà, il n'en parle que très très rarement. Et il fait la course vers les biens de ce bas monde. Ça veut dire, il aime ça. Il amasse de l'argent, il veut toujours avoir plus de richesses, n'est-ce pas? Si c'est lui ou son frère en islam, non, non, c'est lui qui va avancer. Parce qu'il veut laisser personne l'avancer dans les choses de même de ce bas monde. Voyez-vous, donc, tout ce qu'il cherche, c'est cette al-hayat dunya. Ça veut dire, si tu l'avais pas entendu parler et de la religion, et comment est-ce qu'il connaît beaucoup de versets, de hadiths, etc., tu vas te dire, il n'y a pas de différence entre lui et entre un gars de la mafia dehors. Voyez-vous, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui est intéressé par sa vie du bas monde et seulement. Wa mahabbatul ulou, encore plus dangereux que ça. C'est quelqu'un qui, il veut toujours être en avant, à la hauteur. Il veut toujours être le dirigeant. Ça veut dire qu'il donne beaucoup d'importance à son image. Voyez-vous, à son image. De même que parfois, il va utiliser la religion pour promouvoir son... Quoi? Son image personnelle. Voyez-vous, alors que normalement, c'est le contraire. Même si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une image, tu es quelqu'un de fameux, tu vas faire le contraire. Tu utilises l'image pour mettre en avant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ton objectif ultime, c'est de passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, al-alimul fajir, non. Il en connaît beaucoup. Mais il va faire en sorte que ses connaissances dont il dispose, il va les utiliser pour mettre ses intérêts de l'avant. Voyez-vous, vu que moi je connais beaucoup et les gens ils m'appellent alim, etc., etc., c'est mon occasion pour me faire beaucoup d'argent, pour me faire respecter, pour mettre en place mes enfants, mes cousins, mes cousines, mes tantes, etc., mes oncles. Je vais garantir en quelque sorte la belle vie à tout le monde avec mon image que les gens ils ont de moi, que moi je suis un alim al-iyadu billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa ha'ula'ihum ashabul ilm al-zahir. C'est les gens qui ne possèdent que la connaissance qui est apparente de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Alladhina la nafadha lahum fil ilm al-batin. Qui n'ont rien à voir avec la religion qui est la connaissance ou bien la science qui est profonde de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire la science des cœurs, voyez-vous. Ça veut dire, vous savez que la religion, n'est-ce pas, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez déjà entendu parler probablement, n'est-ce pas, des personnes qui disent comme ça, oui, mais ça c'est des pratiques de la religion, mais c'est des choses superficielles comme ça. C'est des aspects techniques, n'est-ce pas. Vous avez déjà entendu parler de personnes qui parlent comme ça. Le voile, ça c'est technique, c'est superficiel. La prière, ça c'est technique, c'est superficiel. Mais ce qui est important, c'est à l'intérieur des cœurs, n'est-ce pas. Kalimatu haqqin urida biha batil. Ça c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai en tant que pratique de la religion, c'est pas vrai. Mais si il y a une personne qui ne pratique ça, n'est-ce pas, que pour l'apparence, par ostentation ou autre chose, ça devient une... Des questions qui sont superficielles. Ça veut dire, si quelqu'un, il prie, mais il ne prie pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, il prie pour les gens, parce qu'il se sent obligé à prier. Est-ce que sa prière, c'est vraiment, est-ce que ici, c'est vraiment de la foi dont on parle? Non, c'est du superficiel. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, même les bonnes actions, quand elles perdent leur esprit qui est à l'intérieur, leur âme qui est l'ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient des choses qui sont superficielles parce que comme on va le voir inshallah ta'ala un peu plus tard, même pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne compte rien le jour du jugement, bien au contraire, ça va se retourner contre la personne en tant que telle. Voyez-vous, donc il nous dit ici l'imam Ibn Rajab, ashabul ilm al-zahir. Ça c'est les personnes qui ne s'intéressent qu'à la connaissance qui est apparente, aux aspects apparents de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et وَلَيْسَ لَهُمْ خَشْيَةٌ وَلَا خُشُوعٌ. Ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas de khushu', ils n'ont pas d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, de concentration dans leurs prières, dans leurs bonnes actions, etc., etc. Ça veut dire que leur science ne change rien en eux-mêmes. Pourquoi selon vous? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran Karim, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les savants. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces gens-là, ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala? Ils connaissent pas Allah. Et pourquoi ils connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est par incapacité de le connaître? Exactement. Ce qui les intéresse, n'est-ce pas, leurs intentions, c'est la vie de ce bas monde. Ça veut dire, lui-même, dans son cœur, il a installé un mur comme ça. Il a dit que tout ce ilm que moi je vais apprendre, n'est-ce pas, c'est pour l'extérieur. C'est pour me faire de l'argent, c'est pour me faire de l'estime, du respect, etc., etc. Ce qui est à l'intérieur, ce ilm n'a pas le droit d'accéder à l'intérieur de mon cœur pour me parler de façon qui est directe en quelque sorte. Pire, on va voir maintenant c'est quoi le problème, c'est quoi les dégâts que ce genre de ulama, il cause à la umma du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa alaykum salam. منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلوبهم فلا يحبونهم ولا يجالسونهم. Vous allez en voir plein comme ça. Si vous allez comprendre ça, vous allez en voir plein dans votre vie, n'est-ce pas, wal iyad billah, surtout de nos jours. Ils t'interdisent le droit de penser du bien de ceux des vrais savants. Ça veut dire des savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et va te dire, ne t'assois pas avec eux. Ne les écoute pas. Ne sois pas avec eux. Il dit après ça, وَرُبَّمَا ذَمُّوهُمْ وَقَالُوا لَيْسُوا بِعُلَمَا. Et ils vont les critiquer, ils vont te dire, ce ne sont pas des ulama, ce n'est pas un savant. Va-t-il va te dire, ce n'est pas un savant. Lui, ce n'est pas un savant. Pourquoi selon vous? Par simple jalousie. Voyez-vous? Par simple jalousie. Il voit que l'autre, c'est un alim qui a autant de connaissances que lui, mais que l'autre, son ilm, sa connaissance l'a affecté à l'intérieur de son cœur, dans son iman. Elle a fait de lui une personne qui est meilleure, alors il est jaloux de l'autre personne. Et parce que aussi lui, cette personne-là qui est l'alim, en quelque sorte, al-fajir, n'est-ce pas, ce alim qui est désobéissant, qui est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, son objectif en apprenant la science, ce n'est pas de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de monter dans ce bas monde. Donc toute personne qui va lui faire de la concurrence, ça va devenir une menace, un ennemi pour lui, n'est-ce pas? On peut vous donner des exemples comme ça, des exemples ouverts, c'est pas, bien sûr, c'est pas des exemples qui sont faits pour critiquer les gens, bien ou faire douter de la crédibilité des gens ou autre chose. Mais on parle de la réalité, n'est-ce pas? On parle de la vérité, et c'est pas en passant, ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est depuis, après le temps du prophète, alayhi salatu wasalam, et même avant ça, n'est-ce pas, lors du temps de Ahlul Kitab, n'est-ce pas, les gens de Isa, alayhi salam, les gens de Moussa, alayhi salam, lors du temps de Banu Israël, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des histoires, même sur le Coran et Al-Karim, sur des savants qui étaient dans les nations du passé et qui ont vendu leur religion pour gagner leur vie du bas-monde, n'est-ce pas? Mais pour vous donner un exemple comme ça qui est concret, ça peut être, mettons, un imam d'une mosquée, n'est-ce pas? Un imam d'une mosquée comme ça, que lui, bon, il a pu travailler comme un imam d'une mosquée pour un certain temps, etc. Mais après ça, pour lui, être imam dans sa mosquée, son objectif principal, ce n'est pas de passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et alhamdoulilah, il a le droit, bien sûr, à son salaire pour pouvoir couvrir ses obligations. Non, ça va se renverser. Ça va devenir... Cette place-là, c'est ma chaise, n'est-ce pas? C'est mon gagne-pain pour le restant de ma vie. Donc, il n'a pas de problème à détruire la mosquée si son chèque est menacé. Ça veut dire, si on va venir un jour lui dire, mon frère, jazakallah khair, t'as bien travaillé pendant 5 ans, 10 ans, mettons, maintenant on vient de trouver une personne qui est beaucoup plus qualifié que toi, qui a plus de ilm que toi, etc., etc., et qui va bénéficier à la communauté plus que toi. Et on va, inshallah, on va finir, on va, après ton contrat, on ne va pas le renouveler, on va ramener un autre imam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer la guerre, voyez-vous? Même si ça va nuire au masjid qui est la maison d'Allah, etc., etc., il n'a pas de problème à le faire. C'est quoi la conscience, c'est quoi le profil type adressé derrière ça? Comment est-ce que tu vas comprendre un tel comportement? Tu reviens à ici. « Alimun bi amri Allahi » غير عالم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. Ça veut dire il a fait de la science, de sa science, de sa religion un moyen, voyez-vous, vers le bas monde. Alors que normalement c'est le contraire. C'est ta vie du bas monde qui doit être un moyen pour te mener vers la religion d'Allah سبحانه وتعالى. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Après ça il nous dit وهذا خداع الشيطان. وهذا خداع الشيطان, que ça c'est des ruses de Shaytan, que Shaytan il fait passer à une telle personne. Écoutez ça, un autre trait de ce genre de personnes, très important. يُعَظِّمُونَ الْمَالَ وَالْجَاهَ. Ils donnent beaucoup d'importance à l'argent et à الْجَاه. الْجَاه, ça veut dire l'honneur, n'est-ce pas? Quand tu es fameux, tu es populaire, tu es respecté, le respect, ton image publique en quelque sorte, ce qu'on appelle الْجَاه. وَالْتَقَدُّمَ عِنْدَ الْمُلُوكِ. Et ils veulent toujours être proches des rois, des dirigeants, des puissants, des personnes qui sont influent. Pourquoi? Parce qu'il cherche ça, voyez-vous. S'il cherchait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ça c'était son objectif, il va chercher les personnes qui sont les plus bénéfiques pour lui, pour sa akhira. Mais non, c'est parce qu'il cherche ça, il cherche la vie du bas monde, il va se réfugier auprès des personnes qui détiennent, selon sa pensée, la vie du bas monde, ça veut dire les rois, les riches, etc. Ça veut dire un alim comme ça, ce genre de ulama qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas toujours le trouver avec qui? Avec les riches et les puissants. Les riches et les puissants. Les riches et les puissants. Si tu n'as pas d'argent, il ne va pas vouloir être avec toi. Si tu n'as pas de pouvoir, il ne va pas vouloir être avec toi en quelque sorte. يُبْغِضُونَ عُلَمَاءَ الْآخِرَةِ وَيَسْعَوْنَ فِي أَذَاهُمْ. Ils détestent les savants de l'akhira, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font de leur meilleur pour leur causer du mal. pour leur causer du mal. Et après ça, il dit وَهَاُولَٰئِ مَذْمُومُونَ عِنْدَ السَّلَفِ. Et ça, c'est les savants que les pieux ancêtres, ils étaient en train de critiquer, qu'ils disaient que ça, c'est Al-Alim Al-Fajir, celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. On parlait de personnes qui suivent la sunna plutôt. Pas sira. Parce que sira, c'est la biographie du prophète. Sunna, c'est les pratiques. Oui, ça entre dans ça. Ça peut entrer dans ça. Non. C'est clair? Taïb. On passe au deuxième profil type. Alimun billahi laysa bi'alimin bi'amrillah. Comme j'ai dit tout à l'heure, si ça vous choque ce que je suis en train de vous mentionner maintenant, c'est pas moi qui l'invente. Voyez-vous, revenez à ce livre, Warathatul Anbiya, Imam Ibn Rajab Rahimahullah. Ça, c'est l'un des imams, des top des imams de l'histoire de l'islam. Il n'y a personne qui va oser vous critiquer Imam Ibn Rajab Rahimahullah Ta'ala, n'est-ce pas? Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, plus en détail, sous d'autres formes, un peu plus tard, au troisième et au quatrième chapitre, on va voir ce qui confirme. Tout ce qu'on vient de mentionner, on va le voir avec des preuves et des hadiths, etc. Inch'Allah. Deuxième profil type. Alimun billahi, laysa bi'alimin bi'amrillah. C'est lui qui nous cause un problème partiel comme ça. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne connaît pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne connaît pas beaucoup sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur les ahkam, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ici, « Ashabul batini yakhshawna allaha wa laysa lahum ittisa'un fil ilmi al-dahir. » C'est les gens qui ont la science qui est profonde, interne, du cœur, qui ont une relation, ça veut dire leur relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si tu vas lui dire, une telle personne de ce profil type, si tu vas lui dire que ça c'est haram, et il est convaincu que c'est haram, si tu le tues, il ne va pas y toucher. Voyez-vous, c'est parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que parfois il ne va pas savoir que c'est haram. C'est parce qu'il ne s'intéresse pas assez au règles et aux lois d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ces personnes-là, est-ce que c'est des personnes qui sont bonnes ou bien des personnes qui sont mauvaises? Bien sûr, s'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des personnes vertueuses, c'est des personnes qui sont vertueuses et qui sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec deux conditions. Avec deux conditions. La première condition, c'est que ces personnes-là, qui peut nous donner la première condition? On en a déjà parlé dans le séminaire, un peu plus tôt, oui. Intègre, ça y est, ils sont intègres. On a dit qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il est intègre. Je t'ai dit, tu lui dis que ça c'est haram, il préfère mourir ou ne pas toucher à une telle chose. Il ne va jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. L'ignorance, ça, le contraire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est quoi la condition ici pour qu'on dise à cette personne-là, jazakallah khair, mashallah, j'aimerais tellement être comme toi. Oui. Connaissance. Hein? Merci. La connaissance minimale, ça veut dire les obligations, n'est-ce pas? On a parlé, on a dit qu'il y avait une certaine forme de connaissance qui sont des obligations. Ça veut dire, ya akhi, tant que toi tu connais, tu sais comment faire ta prière, n'est-ce pas? Si tu as un commerce, tant que tu sais comment faire ton commerce de la bonne façon, c'est quoi les règles, les conditions, etc. Masha'Allah, toi tu es quelqu'un, alhamdulillah, tu es quelqu'un de très important dans la Ummah du prophète, alayhi salatu wasalam, même si tu n'es pas un savant. Ça veut dire, lui, tu vas lui dire, c'est quoi le tafsir de tel verset, que veut dire tel hadith, va te dire, Allahu a'lam. Va demander aux savants, moi, à chaque fois, je leur demande, ils m'expliquent, qu'est-ce que je dois faire. That's it. Oui. Trois types de personnes qui s'identifient à la science, les ulama en général. Ça veut dire que ça peut être presque n'importe quel musulman, tu vois. Ça peut être presque n'importe quel musulman, mais on parle plus à une personne qui a une prétention de science. C'est parce que le premier, les gens, ils disaient, lui, mashallah, il y a beaucoup de ilm, vois-tu. Lui, demande-lui n'importe quel hadith, il va te dire, rapporté par tel, comme ça, une machine. Mais on va voir, est-ce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième personne, la même chose, c'est parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup que ici l'erreur va entrer, le shaitan va utiliser ça. Dans quoi selon vous? C'est quoi le petit risque avec ce genre de personne? Numéro 2. L'ignorance mène vers quoi? Les autres vont le voir. Ils vont dire, regarde, mashallah, lui, j'ai pas vu quelqu'un qui est aussi pratiquant que lui. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala tellement, n'est-ce pas? Yattaqi Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il touche jamais au haram, etc., etc., etc. Alors, si tu as des questions sur la religion, va lui demander. Vous avez vu l'erreur? Est-ce qu'il est qualifié pour te répondre? Non. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il a la première condition qu'on a mentionnée un peu plus tôt, qui est l'intégrité. Voyez-vous? La deuxième condition qui est l'ilm, qui est la connaissance, elle n'existe pas. Ce n'est pas quelqu'un qui a une connaissance approfondie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il n'est pas qualifié pour te répondre. Mais on lui dit pas de problème. On a déjà mentionné, c'est pas obligatoire que toute la Ummah devienne des savants. Tant que tu connais le minimum, ça veut dire tes obligations dans la religion, tu les connais. Alhamdoulilah, tu ne fais pas d'innovation, tu ne vas pas innover de nouvelles choses dans la religion, etc. Après ça, c'est bien, mashallah. Non. Ça nous rappelle le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À propos de la personne qui voulait faire sa tawba, il a dit, il racontait une histoire de Bené Israël très longtemps, qu'un homme voulait faire sa tawba, puis il est parti voir un rabbani. Sahih. Exactement, jazakallah. Comme le frère il dit, ça nous rappelle ici l'exemple de la personne, comme on l'a déjà mentionné dans le hadith, de celui qui a tué 99 âmes et qui est allé pour se renseigner auprès d'une personne qui faisait des adorations, etc., mais qui n'avait pas la science pour pouvoir répondre. Voyez-vous, donc il ne faut jamais, jamais, jamais mélanger entre intégrité et connaissance. Entre intégrité et connaissance. Intégrité. Oui, mais le frère là-bas, je le connais. Wallahi, ya akhi. C'est presque à chaque jour, il est en train de jeûner. Il ne va jamais toucher au haram. Il est tellement honnête, tellement naïf, tellement simple. Ses prières, il vient toujours 15 minutes à l'avance à la mosquée. Je lui ai demandé, il m'a dit c'était halal. C'est bien, mashallah. C'est quelqu'un de très intègre. Mais est-ce qu'il est qualifié pour te dire est-ce que c'est halal ou bien c'est haram? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc parfois, l'intégrité, elle existe, mais les gens vont être portés à penser que, à cause de ça, il a de la connaissance. Non, l'intégrité, c'est bon pour lui-même. Ça y est, pour lui, alhamdoulilah, il a réglé son cas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui peut te répondre sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les questions détaillées. Et il y a aussi l'autre chose. Quand il n'y a pas l'intégrité, il y a la science. Les gens, ils vont te dire, ouais, mais toi, tu parles de l'importance de la science, etc. Regarde un tel, regarde un tel. Il connaît tellement, il a même un bac en sharia, telle chose, telle chose. C'est un criminel. T'as pas vu son comportement, c'est un criminel. C'est ça les religieux, c'est ça telle chose. Moi, je suis pas ma prière, alhamdoulilah, mais au moins, je suis plus honnête que lui. Telle chose, on va lui dire, non, c'est parce que lui, il a la connaissance, mais il n'a pas l'intégrité. Ça veut dire, il ne sert pas de référence aussi. Non. Oui, mon frère. Non. Taïb, si tu peux me rappeler juste cette question à la fin, Inch'Allah, ok? Parce qu'on va mentionner plein de choses qui vont vous aider beaucoup à comprendre beaucoup de choses sur la science. Comme ça, vers la fin, Inch'Allah, s'il y a encore des questions, on pourra les régler, Inch'Allah. Mais les questions, essayez de toujours poser des questions directes sur ce qu'on vient de mentionner. Ça veut dire, si ce n'est pas quelque chose de clair, on la réexplique. Non. Pas nécessairement, pas nécessairement. Il ne faut pas mélanger l'âge de la personne avec l'intégrité. Tu peux avoir quelqu'un de très âgé, il n'est pas intègre. Tu peux avoir quelqu'un de jeune et il est intègre. J'ai pas compris. Oui. Oui, exactement, oui. Ça peut être l'une des causes. Quand les gens ne peuvent pas vraiment lire ou écrire, etc., ils ne vont pas s'approfondir dans la connaissance, même s'ils sont intègres, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Quelqu'un que son apparence, elle n'est pas comme Rasoul alayhi wa sallam, et quelqu'un qui se dit de faire quelque chose, mais lui-même, il ne le fait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un chef ou on peut dire un imam. Bonne question. La sœur, elle dit une personne qui te demande de faire des choses et elle-même, elle ne la fait pas. On va voir les... Je vais vous donner la réponse brève parce que les délits, les preuves, on va les voir un peu plus tard, Inch'Allah, au quatrième chapitre, Inch'Allah. Ici, il y a deux choses. Si c'est un rappel qu'il est en train de te donner, ça veut dire que tu sais que ce qu'il est en train de te dire comme chose, c'est une vérité. Il te fait un rappel. Quelqu'un, il te dit, « Ya akhi, fais ta prière. » Et lui, il ne fait pas sa prière. Est-ce que le conseil qu'il est en train de te donner, il est bon ou mauvais? Bon. Prends le conseil et laisse ce qu'il ne fait pas sur lui-même. Vois-tu? Prends ton avantage. Ne va pas lui dire, « Toi, tu ne fais même pas ta prière, tu me dis à moi de prier. » Non, c'est bien, jazakallah, tu m'as rappelé l'importance de faire la prière, je vais aller faire ma prière. Mais toi aussi, tu devrais faire la prière avec moi, voyez-vous. Donc, si quelqu'un te demande quelque chose que toi, tu connais, que ça fait partie de la religion, tu ne le prends pas comme référence pour connaître la religion, tu vas écouter son nosh, vois-tu. Même si le shaytan, il va te donner une nasiha, entre guillemets, tu vas la prendre de shaytan, si tu sais... à l'avance que ça c'est une chose qui est bonne. Et ça en passant, il y a un délit, n'est-ce pas, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an sur Ayat al-Kursi, quand Shaytan il a donné un conseil comme ça, il a dit que je suis bien le prophète alayhi salatu wasallam l'a renseigné par la suite que c'était un Shaytan. Maintenant, s'il te demande de faire quelque chose que lui il ne fait pas, et toi tu ne sais pas vraiment si c'est une chose qui fait partie de la religion, alors le fait que lui il ne la pratique pas, ça va questionner son intégrité. Ça veut dire, moi, je ne peux pas me permettre de le prendre comme référence sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il m'a demandé de faire, je vais aller chercher une personne de science et qui est intègre et je vais lui demander, est-ce que ça, c'est vraiment une chose qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Non. Taï. Pour avancer, Inch'Allah, on va... Donc, on parlait de celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne connaît pas la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On avait dit la première condition pour dire à cette personne-là, tu as passé le test, c'était quoi? La connaissance minimale. Voyez-vous, il connaît ses obligations. Après ça, on dit, « Akhi wallahi, alhamdulillah, tu n'as pas à être un savant. Ce n'est pas tout le monde qui a cette aspiration de devenir un savant, etc. Si toi, tu veux tout simplement faire beaucoup de prières dans ta vie, beaucoup de dhikr, toujours être à la mosquée, etc., c'est excellent. Alhamdulillah, tu fais partie, inshallah ta'ala, des gens de taqwa qui vont accéder au paradis, inshallah ta'ala. La deuxième condition, c'est quoi, qui est très importante aussi? C'est qu'une telle personne ne va pas questionner ou faire douter de l'importance de la science qu'on appelle la science apparente. Ça veut dire la science qu'on appelle habituellement la science de al-fiqh, voyez-vous, ahkam al-fiqh. Et c'est ça la deuxième erreur dans laquelle il y a beaucoup qui vont tomber. Lui, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en connaît pas beaucoup sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas qu'il n'en connaît pas beaucoup parce qu'il n'a pas eu la chance d'apprendre, ou bien c'est parce qu'il trouve ça trop difficile d'apprendre, c'est parce qu'il croit que tous les autres aspects de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des aspects techniques qui ne sont pas importants, voyez-vous. Et ça, c'est un chemin vers l'égarement. Dalal, parce que tu remets en question des ahkam qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a mentionné, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, n'est-ce pas, il y a un abid qui a envoyé un message à l'imam Malik, rahimahullah. Pas un message texte, là, c'est une lettre écrite. Il a dit, Ya imam Malik, toi tu perds ton temps devant les gens toujours, haddathani fulan fulan qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haddathani, tu ne fais que parler, viens avec nous, n'est-ce pas, nous on fait des cercles dans lesquels on fait l'ibad, la prière ensemble, etc. Tu vas voir, ton iman va monter, tu vas devenir une meilleure personne, voyez-vous. On a parlé de la réponse de l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui lui a envoyé. Donc ça, c'est une personne qui ne comprend pas que l'autre aspect aussi, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est lui qui t'a parlé de l'importance de faire qiyam al-layl, de faire le dhikr et d'avoir un cœur qui est doux, etc. C'est lui, le prophète, alayhi salatu wasalam, qui t'a dit dans tel et tel hadith que quand tu fais ton commerce, tu dois répondre à telle et telle et telle condition. Que quand tu vas te marier, tu dois répondre à telle et telle et telle condition. Voyez-vous, est-ce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, tout comme le premier, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prendre une partie de la religion et ne pas prendre l'autre, ça revient à mécroire en une partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Voyez-vous, et ça, je le mentionne, c'est parce que ça, maintenant, tout comme on a parlé tout à l'heure, de l'exemple en théorie, bien sûr, je parlais de personnes en particulier, du imam de la mosquée qui voulait faire la guerre pour garder son salaire et sa position à l'intérieur du masjid. On va parler maintenant, n'est-ce pas? Ça serait l'exemple de certaines personnes, entre guillemets comme ça, qui s'appellent de nos jours, qui se nomment des soufis comme ça, etc., etc. Bien sûr, je ne parle pas ici du soufisme, parce que le soufisme, le mot en tant que tel, soufisme, peut vouloir dire beaucoup de choses. Je parle de personnes qui sont soufis, ça veut dire qu'ils disent « moi je suis un soufi, je suis tel et tel et tel tariqa ». C'est ça le problème avec ces personnes. L'un des problèmes majeurs avec ces personnes, c'est qu'il veut prendre une partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut te dire que l'islam c'est une religion qui est spirituelle. Faux ou vrai? Oui, c'est vrai. Mais l'islam aussi c'est autre chose avec le spirituel. Ce n'est pas simplement la spiritualité, voyez-vous. Donc ces personnes-là, il va prendre une partie de la religion qui l'inspire, que lui il aime beaucoup, il va te dire « j'aime ça dans la religion, je l'adopte. » Le reste, c'est une perte de temps. Tu viens de rejeter une partie de la religion qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas à nous de choisir la religion qu'on aime, n'est-ce pas? On ne va pas la faire sur mesure comme ça. Moi, j'aimerais avoir une religion comme ça, spirituelle à 90% et prière à 5%, etc. Non, la religion, c'est dinullahi azza wa jalla. Ce que lui, il a révélé, c'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il te demande d'être spirituel et en train de faire ta prière, etc. L'autre jour, il te demande d'aller faire ton commerce de la façon qui est halal. Un autre jour, il te demande, on va donner un exemple comme ça, si moi j'ai une dette de 5 000 $, j'ai emprunté d'un frère, j'ai emprunté 5 000 $. Et je lui ai dit, mon frère, tu me donnes un mois, je te rembourse. 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent, je n'ai pas encore remboursé. Et le frère, il tape à chaque jour à ma porte. Il dit, mon frère, moi je dois nourrir mes enfants, c'est tout ce que j'avais comme épargne, je t'ai emprunté. Est-ce que moi j'ai le droit d'aller à la mosquée et dire, je passe des moments spirituels à faire beaucoup de dhikr, de ibad, etc. Là, en étant à la mosquée, je suis en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que là, Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi que je sorte de la mosquée, que j'aille travailler, me chercher un emploi pour ramener cet argent pour remplir cette obligation qui est de rembourser ma dette, voyez-vous? Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne la choisit pas. Ce n'est pas comme, ah je veux être comme ça, je vais être toujours en train de faire ma prière. Là, je adore Allah subhanahu wa ta'ala, je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon dont lui, il veut que je l'adore, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, bien sûr, quand on n'a pas de connaissance, on ne va pas savoir qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple. Il y a une personne qui m'a demandé la question sur ce verset un peu plus tôt de sourate Al-Kahf. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui sont dans la pure perte, les plus perdants des perdants. الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا. C'est qui ces personnes-là? Ceux que leurs actions sont vaines dans ce bas monde, alors qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire la bonne chose. Ça veut dire quelqu'un qui pensait adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la bonne façon, alors qu'en réalité est en train de l'adorer de la mauvaise façon, et le jour du jugement, ses actions sont vaines, voyez-vous. La question que la personne m'a posée tout à l'heure, est-ce que ce verset-là, il nous parle des mécréants? Oui, le verset en tant que tel, dans le contexte, il parle des kafirines, ça veut dire des gens qui se sont inventés leur propre religion. Ils ne veulent pas savoir un message, un prophète, etc., etc. Ils veulent inventer, ils veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec une religion qu'eux, ils vont inventer. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter leur ibadat, voyez-vous. Mais ça n'exclut pas, comme ils font les ulama, qu'on prenne de ce verset, n'est-ce pas, ça illa, le raisonnement, qui est que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ignorance, c'est une chose qui est dangereuse, qui peut faire en sorte que nos actions seront égarées devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles vont être en vain en quelque sorte, voyez-vous. Le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith authentique, il a dit: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. C'est un hadith qui est clair et qui est authentique. Il a dit alayhi salatu wasalam: tout celui qui fait une pratique religieuse qui n'est pas en accordance avec notre façon de faire, elle est rejetée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des exceptions. Quelqu'un qui était ignorant, qui a fait de son meilleur pour trouver la vérité, etc., qui n'a pas eu accès à des savants, etc., ça c'est autre chose. Mais on parle ici de personnes qui avaient la possibilité d'étudier, de demander, de questionner, mais qui ne l'a pas fait. Ces actions ne comptent en rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et bien sûr, il y en a qui ont porté ça. Je vais juste ajouter un point, Inch'Allah, je prends votre question. Et il y en a qui ont pris cette... Comme j'ai dit, ça c'est les personnes, n'est-ce pas, parfois qu'on identifie ou bien qui s'identifient comme étant des soufis, qui vont vous dire que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a La superficie, c'est comme une orange, n'est-ce pas? Après ça, tu jettes et tu vas prendre l'essentiel, ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la spiritualité, etc. Et ça, c'est faux, voyez-vous? Et il y en a beaucoup, surtout de nos jours, n'est-ce pas? Ils sont promus, c'est parce que de nos jours, c'est une contradiction, mais al-hawa, ittiba'u al-hawa, n'est-ce pas? C'est parce que normalement, le soufisme, comme ça, comme concept, qui te dit d'être spirituel, etc., en théorie, si on va faire une critique philosophique, même si on sort du cadre de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une pensée qui est contraire à la civilisation. N'est-ce pas? C'est parce que ça te demande de vivre seulement par tes prières. Ça veut dire ne touche pas à tout ce qui est matériel, la vie matérielle, etc. Laisse ça. Éloigne-toi de ça. Mais de nos jours, on essaie de nous présenter dans les médias, etc., le soufisme comme étant l'islam moderne. N'est-ce pas? Je ne comprends pas comment est-ce que quelque chose qui te dit en théorie, même si en réalité il ne pratique pas la même chose, voyez-vous, mais qui te dit en théorie que toute la religion, ce n'est qu'une affaire de spiritualité. Ça veut dire, et le reste de la vie, on fait quoi avec? Comment peux-tu être moderne si tu vas réduire toute ta vie à certaines pratiques qui sont spirituelles? Donc, ça existe beaucoup. Et il y en a parfois qui sont connus avec des noms connus, etc., et qui, n'est-ce pas, ils mettent du poison, comme ça, dans leurs mots. En apparence, ils te parlent de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., mais en réalité, ils te mettent comme ça, pop, n'est-ce pas, une fois par heure, il va te jeter, n'est-ce pas, comme une bombe à retardement. Et une autre fois. Donc, toi, si tu vas toujours écouter ces paroles, etc., à la langue, tu vas commencer à être influencé. Et il y a des sœurs qui écoutaient ce genre de personnes et après quelques années, elles ont commencé à enlever le voile, etc. Pourquoi? Ah, c'est parce que, bon, ça c'est des aspects qui sont techniques de la religion, dans l'art spontané, etc. Le plus important, c'est dans le cœur, le comportement, etc., etc. Et t'es parti pour de bon en pensant que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a mentionné la dernière fois, n'est-ce pas? Il y en a qui portent ce soufisme, pas juste de nos jours, même dans les siècles qui sont antécédents, qui porte ça, shaitan, n'est-ce pas, avec comme ça une petite action de shaitan, il arrive à les convaincre à certains que toi, t'as fait tant de ibadah, tant de bonnes actions, que ça y est. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de toi. Ça veut dire que t'as rempli ta mission dans ce bas monde, c'est fini. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Ça veut dire, bois de l'alcool, fais telle chose, et ces personnes-là qui existent, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui existent comme ça, des sectes extrêmes du soufisme, etc., qui font, il te dit, tu fais ce que tu veux. Et il te dit parfois, si toi tu es mettant un débutant dans la tariqa sur leur chemin, il te dit, si tu vois le cheikh faire quelque chose que toi tu ne comprends pas, même commettre un péché majeur, etc., ne demande pas de questions. C'est parce que lui, il est passé à al-ilm al-batin. Il est entré dans la profondeur, n'est-ce pas, et sous-sol, il est descendu au sous-sol. Toi, tu es encore dehors, il neige, etc., tu as froid. Lui, il s'est réfugié à l'intérieur, voyez-vous. Alors, parfois, mettant dans leur biographie, dans les livres de soufisme, etc., il va te dire, tel cheikh du soufisme, wasala. Ça veut dire, il est arrivé. Il est arrivé au point de non-retour. Alors, qu'est-ce que le Junaïd, rahimahullah, il a dit? Le Junaïd, c'était l'une des personnes pieuses des ancêtres que les soufis, ils utilisent beaucoup comme référence. Ils le nomment même un soufi, l'un des grands soufis, alors qu'en réalité, lui, il ne s'est jamais appelé un soufi, voyez-vous. Mais Al-Junayd, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Wasalu, walakin ila saqar. » Il a dit « Oui, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés en enfer, à destination, voyez-vous. » Si tu arrives au point où tu dis « Moi, je suis arrivé, j'ai plus à me soumettre ni aux obligations, ni aux interdictions, etc. Moi, je suis spécial, ça y est, je suis personne qui est élue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, certain, tu es arrivé, mais tu viens d'arriver à l'enfer. Maintenant, tu débarques. Non. Il y avait des questions? Oui. Salam. Non. Taïb, la sœur, elle pose une question pertinente ici, même si ce n'est pas directement relié à notre sujet. Elle dit par exemple un hadith du prophète, والسلام, dans lequel il y a un homme qui vient chez le prophète, والسلام, et a dit, moi, je n'ai pas fait grande chose, n'est-ce pas? Sauf que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, والسلام. Alors, le prophète, والسلام, il a dit quoi? Al-mar'u ma'aman ahabba. Chacun va être avec ceux qu'il aime. Ça veut dire, même si tu ce entre guillemets simple, ce qui n'est pas simple, amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam, va faire en sorte que le jour du jugement tu vas être avec le prophète alayhi salatu wassalam. La sœur, elle dit, certaines personnes utilisent un hadith comme ça pour dire aux gens que le reste de la religion, ce n'est pas important. Attention, encore une fois, on va voir ça dans le cours de Aqidah, le cours de la croyance, pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des règles, n'est-ce pas, pour ne pas être égaré du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de prendre tous les textes et de leur donner une compréhension, une interprétation qui nous assure que ça va englober tous les textes ensemble. Maintenant, le choix, le fait de choisir un texte, moi je vais prendre un texte comme ça, n'est-ce pas? Je vais dire, c'est ça la religion. L'autre, il va dire, un autre hadith va dire, non, c'est ça la religion. Parce que tout comme toi, tu viens de dire, ce hadith-là, il a dit, « Al-mar'u ma'aman ahab », moi je vais prendre un autre hadith qui est très dur, avec une sévère punition, n'est-ce pas? « La tarji'u ba'di kuffaran » ou bien il a dit, alayhi salatu wassalam, « Sibabu al-muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun » ou comme a dit alayhi salatu wassalam. Je vais prendre comme ça des hadiths avec kufr, kufr, kufr, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit quoi? العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Je vais lui dire moi, hey, mais attends, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, celui qui fait part sa prière alors فقد كفر, il a parlé de kufr, etc. Alors moi j'ai hadith du prophète عليه الصلاة والسلام de mon côté, et toi tu utilises un autre hadith. C'est quoi la solution ici? Est-ce que moi j'ai un prophète et toi t'as un autre prophète? Est-ce qu'on parle ici de deux prophètes différents? Là c'est le même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va dire que le prophète a ramené en quelque sorte un message qui est contradictoire, qu'un jour il te dit fais tout et l'autre jour il te dit ne fais rien? Non, voyez-vous, donc le problème est avec la compréhension de cette personne-là, voyez-vous. C'est comme même sans parler du prophète qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on parle de l'un d'entre nous, une personne, un frère ici, mettons un frère, la première fois qu'on vient de le rencontrer, c'est aujourd'hui. Est-ce que ça serait juste que moi je vais écouter ses mots pendant 15 secondes, ce qu'il est en train de dire à quelqu'un. Pendant 15 secondes comme ça, après ça je ferme mes oreilles, je vais sortir. Et je vais écrire un livre sur ce frère. C'est quoi sa pensée, c'est quoi sa philosophie dans la vie? Je vais dire ce frère, n'est-ce pas? J'ai entendu le mot, je peux comme ça entendre un frère qui dit le mot, mettons... Il a mentionné, en 15 secondes, il a parlé de couteau, de fortement et de rapidement. Khalas. J'ai pris ces trois mots. Moi, je vais écrire tout un livre sur la philosophie de ce frère. C'est quoi sa personnalité? Que cette personnalité, c'est couteau, telle chose, telle chose. Peut-être c'est le frère le plus pacifiste du monde. Il a dit, ce matin, j'étais en train de lire dans les nouvelles, ils ont dit que quelqu'un a pris un couteau, il a tué quelqu'un, etc. Et c'est pas bien, moi j'ai pris les 15 secondes, voyez-vous. Je peux entendre quelqu'un d'autre, c'est un criminel, va dire, ah, il a mentionné paix, amour, justice. Je vais sortir, je vais écrire un livre sur lui. Quelqu'un de pacifiste, etc. Alors que lui était en train de dire, ah, ces gens qui parlent juste de la paix, juste de la justice, il n'y a pas de justice, ni de paix, ni rien du tout, voyez-vous. Donc, même pour une personne, tu ne peux pas comprendre c'est quoi son message, c'est quoi ses convictions, selon seulement une ou deux phrases. Que dire du prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui, il parle, c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc ici, qu'est-ce que les ulama, ils disent? On prend tous les textes, on les comprend tous ensemble. Voyez-vous, donc ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, oui, al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama, ça veut dire, même si tu t'efforces de faire les bonnes actions, mais tu trouves que tu n'as pas assez de motivation pour faire tant que les autres, wallah, je m'excuse, je suis quelqu'un qui fait juste les 5 prières, etc. Qiyam ul-layl, à chaque nuit, j'essaie de faire d'oraka'a comme ça, mais je me sens paresseux, etc. Je ne suis pas comme les autres, ils font qiyam ul-layl, à chaque nuit, ils font 2h, 3h, etc., etc. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il te dit, ne perds pas espoir, al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyama. Si tu aimes les croyants, tu vas être avec eux le jour du jugement. Peut-être avec, juste par ton simple amour pour les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre avec eux. Mais de dire que maintenant, non, moi je vais suivre complètement un autre chemin et j'aime Allah et son messager, n'est-ce pas? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. C'est le Coran qui le dit. Dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Ça veut dire suivez le prophète alayhi salatu wassalam. Voyez-vous, donc il n'y a pas de contradiction entre les mots. Tout vient d'une même source, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et on va parler de ça en détail, inshallah, dans le séminaire de Aqidah. On va voir comment est-ce que toutes les sectes s'apparentent sur ce point-là. Ils vont tous prendre un, deux textes comme ça et construisent toute une religion sur ce texte, voyez-vous, parce que si on devait fonctionner comme ça, même dans la Bible de nos jours, même selon les croyances par exemple, des chrétiens ou des juifs, il y a plein de choses qui sont communes entre nous et les chrétiens et les juifs, n'est-ce pas, même dans leur religion qui est altérée. Alors moi, je peux dire, par exemple, que tout comme le christianisme, il nous parle d'amour, n'est-ce pas? L'islam aussi, c'est une religion d'amour. Mais est-ce que je peux construire comme ça, du point amour, faire toute la religion et inventer mes propres pratiques? Là, l'islam s'est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Oui. Exactement, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Ça, c'est l'une des preuves qu'on va utiliser pour leur répondre. On va dire, le prophète, alayhi wa sallam, n'a jamais cessé de faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour où il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Et même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à lui, le prophète, alayhi wa sallam, فَعْبُدْ رَبَّكَ أَوْ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que الْيَقِينَ va te parvenir. C'est quoi l'yaqin ici? Les savants du tafsir, ils ont dit c'est la mort. Mais les soufis, ils ne vont pas comprendre comme les compagnons étant dit c'est la mort. Non, ils vont te dire, le yaqin ici, c'est la certitude. Ça veut dire un certain niveau dans la foi. Après, tu viens de changer de grade. Taïb, mais la vie du prophète, alayhi salatu wasalam, nous prouve que lui, il n'a jamais changé de grade, entre guillemets, comme vous le faites. Voyez-vous? Non. Il y avait une autre question tout à l'heure? Taïb, on va avancer, Inch'Allah. Regardez ici. Donc, on est en train toujours de parler des personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne connaissent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que si ces personnes-là connaissent au moins les obligations et ne remettent pas en question l'importance de ce que eux ils ne connaissent pas, ça veut dire qu'ils ne vont pas te dire, « Ah, tu es en train de perdre ton temps, tu es venu à l'Institut Lissal aujourd'hui. » En train de perdre ton temps. Viens avec nous à la mosquée, etc., etc. Voyez-vous, ça veut dire qu'il réduit l'importance des autres aspects de l'islam. On n'a pas de problème avec une telle personne qui remplit à ces deux conditions. Maintenant, si la personne, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle ne connaît pas le minimum, ça veut dire les obligations, là, elle est dans le danger. Voyez-vous, c'est une personne qui est sincère, mais elle est dans le danger. Parce que le shaitan peut facilement venir lui tirer les pieds vers une innovation, et après une innovation, ça va être une innovation plus grande, etc., etc., jusqu'à ce qu'il arrive même à la mécréance, wal'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir, regardez comment est-ce que les savants du passé, ça veut dire nos exemples, qui sont nos ancêtres, les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, et ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont dit sur quelque chose qui s'appelle la science de al-fiqh? C'est quoi la science de al-fiqh? Hein? Jurisprudence. Ça veut dire, quand on parle de al-fiqh, on parle entre guillemets, de ce qu'ils appellent les aspects techniques de la religion. Voyez-vous, vous ouvrez un livre de fiqh, si vous n'avez jamais ouvert un livre de fiqh, ce soir à la maison, inshallah, sur internet, cherchez par exemple fiqh as-sunnah, un livre qui s'appelle fiqh as-sunnah, qui est pas mal de base. Vous allez l'ouvrir, le feuilleter, vous allez voir. La façon dont c'est organisé, c'est très légal, voyez-vous. Condition 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, ce qui cause l'invalidité. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour certaines personnes, ça c'est technique. Ça, c'est technique, ils ne comprennent pas c'est quoi l'idée derrière ça. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, il a mentionné le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on a déjà mentionné à la deuxième section, quand on a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, quand vous passez, si vous passez par les jardins du paradis, qu'est-ce que vous devez faire? Vous asseoir à l'intérieur, passer au moins un moment. Ils ont dit, c'est quoi les jardins du paradis? Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Hilaqu al-dhikr, n'est-ce pas, les cercles de la mention, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi ces hilaqu al-dhikr? Quelqu'un va te dire c'est ça. C'est pas l'institut, c'est pas quand on parle hadith, telle chose. Hilaqu al-dhikr, c'est d'aller faire le dhikr comme ça en groupe pendant une heure, deux heures, trois heures. Non, on va revenir à un compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, il va nous trancher là-dessus. C'est lui qui connaît, c'est pas nous qui connaissons. Alors qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu quand il a mentionné ce hadith? Il a dit « Ama inni la a'ni al-qussas ». Il a dit « Attention, ce hadith ne parle pas de al-qussas ». Vous savez ce qui est al-qussas? Qussas, c'est ceux qui racontent les histoires. C'est comme des frères, parfois, mettant t'es à la mosquée, il y a un frère qui se lève comme ça, il va commencer à dire « Mes frères, on doit se rappeler de la mort, etc., etc., etc. » Mais à la place de te dire « Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, etc. » parce qu'il n'a pas beaucoup de connaissances, il va commencer à te dire « Il y a une fois un frère, il a vu dans son rêve quelqu'un qui était comme ça, il est mort, et c'est arrivé, n'est-ce pas? Il va te donner comme ça des histoires. » quelqu'un a vu dans son rêve, l'autre il a fait un accident, l'autre telle chose, ça veut dire il essaye, il a une bonne intention, il veut te faire un bon message, mais il n'a pas les arguments pour le passer. Donc il essaye de trouver des arguments à droite et à gauche, n'est-ce pas? Ah, tu sais, ils ont fait une fois comme ça une étude, ils ont fait entrer une machine à l'intérieur des tombes, ils ont entendu des gens qui criaient dans la tombe, n'est-ce pas? En Russie, ils ont fait cette étude, etc., etc. On appelle ça al-qussas, n'est-ce pas? À la place de te ramener un hadith pour te parler de la punition de la tombe, adab al-qabr, etc., il va te parler comme ça d'une chose qui n'a jamais existé, parce que ça fait partie de alam al-ghaib, il n'y a pas une machine qui peut, en quelque sorte, mesurer des choses qui sont pareilles. Donc il a dit, « Ama inni la a'ni al-qussas, certainement je ne te parle pas de al-qussas, walakin hilaq al-fiqh. » Mais ça parle des cercles de la science de la jurisprudence. De la science de la jurisprudence. C'est ça ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il t'encourage à aller faire un tour. C'est ça la compréhension d'un grand compagnon qui est Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, qui n'est pas seulement un compagnon, c'est l'un des fuqaha. Ça veut dire même, en présence de du prophète, alayhi salatu wasalam, Ibn Mas'ud, c'était l'un des savants des compagnons de sahaba, radiyallahu ta'ala an. Un autre exemple, en passant là de Al-Qussas, n'est-ce pas, les choses que vous recevez comme ça par internet, n'est-ce pas? La fameuse histoire du... comment il s'appelle, lui? Celui qui a rêvé. Oui, c'est ça, le gardien de la mosquée du prophète, alayhi salatu wasalam, qui a vu dans son rêve le prophète, alayhi salatu wasalam, lui demander, etc. Et c'est arrivé la semaine dernière, et il demande à toute la Oumma de passer ça par email, etc. C'est devenu maintenant par email. Alors que cette histoire, prétendue histoire, elle existe dans les livres depuis plus d'un siècle. Voyez-vous, même avant les emails, etc. Et c'est une histoire que quelqu'un a inventée comme ça. Il pensait faire du bien, n'est-ce pas? Il a dit, je veux encourager les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je peux bien leur dire? Il ne connaît ni verset, ni hadith, ni rien. Il a dit, je vais inventer une histoire comme ça. Je vais dire qu'il y a le gardien de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a vu dans son rêve. Il a dit, ma umma, voilà ce qui est arrivé, telle et telle et telle et telle chose. Et c'est ce qu'on appelle bien sûr al-qussas. Ça veut dire une personne qui invente n'importe quoi pour essayer d'arriver à... un bon objectif en quelque sorte. Qila li Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, on lui a demandé, encore une fois, Imam Ahli Sunna, c'est l'un des quatre grands imams, il a dit, tadhakuru ba'd laylatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Le fait de réviser la connaissance, la science, lors d'une partie de la nuit, c'est meilleur pour moi que de faire la prière lors de la nuit en entier. On avait dit que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il avait mentionné à peu près la même chose. Mais écoutez ce que l'imam Ahmad rahimahullah, il ajoute. Faqila ayu ilmin. On a demandé à l'imam Ahmad, c'est de quelle science que tu parles? Vous voyez, imam Ahmad, ici quand on parle de l'imam Ahmad, pour répondre à ces gens, n'est-ce pas, de prétendue spiritualité, etc., surtout de nos jours. Croyez-moi, surtout si, à part si c'est quelqu'un, je ne suis pas en train d'être méchant, etc., je vous parle de la vérité pour que vous soyez avertis. De nos jours, s'il y a quelqu'un qui vous dit, moi ce n'est pas important pour moi les autres aspects, le fiqh, etc., moi je m'occupe seulement de la spiritualité, je veux être quelqu'un de pieux qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., croyez-moi, sauf si c'est quelqu'un de naïf, le pauvre, il a une bonne intention, il vient de découvrir la religion, on lui a dit que c'était comme ça, etc., il ne sait pas, c'est un ignorant. Mais dans plusieurs cas, surtout ceux qui y sont depuis des années, il n'y a pas plus égaré que ce genre de personne. Tu vas voir qu'en réalité, c'est quelqu'un qui, derrière là, l'argent, c'est fou, n'est-ce pas? L'estime, essaye de le critiquer, de prendre sa place, etc., etc. Tu vas voir c'est quoi ses vrais akhlaq. Parle lui de sa personne, une petite critique comme ça, tu vas voir comment est-ce qu'il va se mettre en feu directement. N'est-ce pas? Alors que les gens de spiritualité, vraiment, c'est le contraire. Si tu es vraiment spirituel, tu dois me prouver que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on revient à quelqu'un comme Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik et les autres ulama, n'est-ce pas, qui passaient tout leur temps à étudier la science du prophète, alayhi salatu wasalam, les hadiths, etc. Imam Ahmad, si tu vas lire dans son histoire quel type de personne il était, le wara' qu'il avait, si l'imam Ahmad, on le ramenait aujourd'hui, probablement qu'il ne va rien manger, il va toucher à rien, aucune nourriture. Toute nourriture que tu vas lui présenter, il va te dire, wallahi, ça c'est... Il y a telle chose, j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala va me questionner sur ça le jour du jugement. Voyez-vous? Imam Ahmad, les grands ulama qui existaient dans son temps, que ce soit ses élèves à lui ou bien lui personnellement. Comme il y a une fois une femme, n'est-ce pas? Une fille comme ça qui est venue chez l'imam Ahmad. Elle a dit, moi je travaille dans la couture, je suis une couturière. Mais j'ai peur que les habits que je produis sont des habits qui sont haram. Moi, je les vends et j'ai peur qu'ils soient haram. Il a dit pourquoi? Elle a dit c'est parce que dans ma maison, pour avancer parfois, on fait la culture même la nuit. Alors la nuit, c'est obscur, bien sûr, c'est cher d'avoir des lanternes dans leur temps, etc. C'est parce que en quelque sorte, tu as besoin du liquide pour les mettre en feu, etc. Mais elle a dit, parfois, il y a les soldats qui passent devant notre maison et qui passent avec leur lanterne la nuit. Alors nous, on va prendre ce moment comme une opportunité comme ça. Il y a un peu de lumière parce que les soldats ils sont en train de passer dehors. On va commencer à coudre. Voyez-vous, on gagne un peu de temps. Un peu de lumière qui est gratuite. Il a dit, c'est quoi les problèmes avec ça? Elle a dit, mais j'ai peur que la lumière des soldats soit de la lumière qui est haram. C'est parce qu'elle vient d'un dirigeant qui est un oppresseur et peut-être parfois il vole de l'argent, etc. Il prend de l'argent des gens de façon qui est injuste, n'est-ce pas? Et ces soldats sont en train d'utiliser cet argent pour mettre de la lumière. Imaginez des gens qui arrivent à ce niveau de al-wara, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça vraiment les personnes qui avaient la spiritualité. Pas quelqu'un qui, je ne sais pas moi, est plein d'argent dans sa poche et l'argent, il le prend de droite, de gauche, n'est-ce pas? Tu le trouves dans la mosquée, il met son truc comme ça, il va te dire la spiritualité et les autres, le faire, ce n'est pas important, on doit être spirituel, etc. Juste après, va sortir, le business, c'est haram sur haram, c'est haram sur haram, haram sur haram. D'échecs à droite et à gauche. Voyez-vous? Est-ce que ça, c'est la spiritualité? Non. Alors on a demandé à l'imam Ahmed rahimahullah. Faqila ayu ilm. On a dit à l'imam Ahmed, tu parles de quel type de connaissance? Toi tu nous dis que tu préfères chercher la connaissance lors de la nuit que de faire la prière de toute la nuit. On parle de quel type de connaissance? Alors il a dit l'imam Ahmed rahimahullah, huwa al-ilm alladhi yantafi'u bihi an-nas fi amri dinihim. Je vous parle de la science qui est bénéfique aux personnes dans leur pratique religieuse. Alors, ils veulent plus de détails. Faqila, fil wudu'i, was salati, was sawmi, wal hajji, wat talaq. On dit à Imam Ahmed, tu parles par exemple des ablutions, de la prière, du jeûne, du pèlerinage, ainsi que du divorce? Qala na'am. Il a dit oui. Ça veut dire pour l'imam Ahmed, rahimahullah, que tu passes une heure lors de ta nuit à étudier les règles du divorce en islam, c'est meilleur pour toi que de faire une heure de Qiyamul Layl. Voyez-vous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur. C'est parce que là, tu es en train d'apprendre la connaissance. Une connaissance qui va même peut-être être bénéfique à d'autres personnes. Le lendemain, un frère va taper à la porte, ton voisin il va dire, ya akhi, je suis en crise, j'ai une grande urgence comme ça, j'ai un problème entre moi et ma femme, j'ai dit ça, est-ce qu'on est divorcé ou on n'est pas divorcé? Tu dois me répondre en urgence. Voyez-vous? Si toi, tu venais de lire ça, tu vas dire, ah, les ulama, ils ont dit que ça, ça compte comme un divorce. Ou bien, ça ne compte pas comme un divorce. Tu viens d'épargner un grand problème. C'est parce que s'ils ne savaient pas qu'ils vivaient ensemble et que c'était un divorce, ils vont vivre dans al-haram wal-iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Ça, c'est meilleur pour toi que de faire la prière de Qiyamul Layl pendant une durée qui est semblable. Oui. À quel temps de la nuit? La nuit, en général. Non. La nuit en général, ce qui est le meilleur. Certains ulama, ils aimaient faire talabul ilm lors du dernier tiers de la nuit. Ça veut dire qu'ils se réveillaient pour faire un peu de prière et après ça, ils faisaient talab al-ilm, ils étudiaient la religion. Imam Zuhri, rahimahullah, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, quand on va faire l'histoire de la sunna, tout comme on a parlé de l'histoire du Coran, on va faire un séminaire sur l'histoire de la sunna. Comment est-ce que la sunna a été compilée, etc. On va voir que l'imam Zuhri, rahimahullah, c'était personne clé dans l'histoire de la sunna. C'est l'un des grands muhadithines, des grands savants de al-hadith. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Zuhri, rahimahullah? Ma ubidallahu bimithli al-fiqhi. Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et te rapprocher de lui avec quelque chose qui est meilleur que al-fiqh, que la jurisprudence, que l'étude de la jurisprudence en quelque sorte. وقال عطاء الخراساني un grand des ulama de la umma du prophète عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'il a dit? مجالس الذكر. Il a dit voilà ce que ça veut dire les assemblées du rappel. Les assemblées de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج. Il a dit les مجالس du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les assemblées du halal et du haram, dans lesquelles tu vas apprendre à vendre et à acheter, ça veut dire de la façon halal, et à prier et à jeûner. Et comment tu te maries et comment tu te divorces et comment tu fais ton pèlerinage. Et comment tu fais ton pèlerinage? Parce que comme on l'a dit, si tu passes ta vie à faire des prières et des prières supplémentaires et qiyamul layl et etc., etc. et que toi tu n'as jamais étudié les conditions de ta prière et que ça fait 50 ans que tu pries d'une façon qui n'est pas valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps, c'est parce que tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon autre que la façon que lui, il te demande de le faire subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa qala Yahya ibn Abi Kathir, un autre des grands savants de l'islam, Imam Yahya ibn Abi Kathir, il a dit, darsul fiqhi salat. Il a dit, le cours de jurisprudence, c'est une prière. Ça veut dire, quand tu es dans le cours de jurisprudence, c'est comme si tu es en train de prier et faire ta prière pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et aussi, bien sûr, n'est-ce pas, quand on parle de spiritualité, comme on l'a mentionné, quand tu parles de spiritualité, la spiritualité, elle aussi, elle a besoin de compréhension. Ta spiritualité, même quand tu es quelqu'un d'intègre, etc., etc., tu as besoin d'apprendre c'est quoi l'intention, c'est quoi niya, n'est-ce pas? Est-ce que l'intention, est-ce que mon intention, elle est bonne, elle est mauvaise, etc., etc. Et ça, tu vas l'apprendre dans les cours de fiqh, en quelque sorte. Donc, comme je l'ai mentionné ici, c'est important de faire la balance entre la spiritualité, entre l'aspect pratique de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas à nous de choisir notre religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a choisi pour nous. Voyez-vous donc, si vous entendez la prochaine fois quelqu'un vous dire « Ah, moi, j'aime pas vraiment lire les autres livres sur Al-Fiqh, etc. Moi, j'aime lire seulement les livres sur la spiritualité en islam. » Dites-lui que toi, tu as un problème de réglage dans les portions. Voyez-vous, tes portions dans la foi. Voyez-vous, c'est parce que ta foi doit être équilibrée de la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé. Et si tu vas perdre maintenant l'aspect de la spiritualité, qu'est-ce qui va arriver selon vous? Si quelqu'un il va me dire, moi j'aime tellement lire les livres de fiqh, fiqh, fiqh, mais la spiritualité ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le résultat final? On va revenir au premier, ça veut dire al-alimul fajir, n'est-ce pas, le savant pervers. Ça veut dire il va accumuler des informations, il sait. C'est une base de données, mais pour pratiquer, ce n'est pas de ses soucis. Voyez-vous, donc ça c'est un déséquilibre et l'autre aussi c'est un déséquilibre. C'est quoi l'équilibre? C'est la troisième personne. Le profil type numéro 3 auquel on passe maintenant, c'est man kana aliman billahi aliman bi amrillah. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît l'ordre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, wa ha'ula'i humul ulama'u haqqan. Et ça, c'est les vrais savants. C'est ça ce qu'on appelle warathatul anbiya. C'est ça les héritiers des prophètes. Tu cherches quelque chose qui te rappelle la spiritualité du prophète, alayhi salatu wasalam, tu vas la trouver dans son comportement. Tu cherches à savoir c'est quoi le message du prophète, alayhi salatu wasalam, tu vas le trouver sur sa langue et dans ses paroles et dans ses réponses qu'il va te fournir en quelque sorte. Comme le prophète, alayhi salatu wasalam, il faisait, n'est-ce pas, le prophète, alayhi salatu wasalam, si on va lire ses rappels, ses hadiths, etc., parfois il parlait aux gens de la spiritualité, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'au-delà, etc., et parfois il leur parlait des aspects pratiques de leur religion. Donc un vrai savant, tu vas trouver que c'est quelqu'un qui va te parler de tout. Un jour il va te dire, viens, on va apprendre c'est quoi les règles des ablutions, telle et telle et telle et telle et telle règle. Un autre jour il va te dire, viens, on va parler de la patience en islam, de la sincérité, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la mort, de telle chose. Là, tu dois savoir que ça, c'est un alim qui veut te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de mentionner dans cette section? Oui. Très bonne question. La réponse détaillée, si tu peux me rappeler tout à fait à la fin, inshallah, c'est parce que c'est relié à un élément qu'on va mentionner un peu plus tard, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de différence entre l'étude de al-fiqh en tant que tel ou bien l'étude de la compréhension de l'Qur'an. Parce que la compréhension du Qur'an, c'est ça, c'est un fiqh, n'est-ce pas? C'est fiqh, on a déjà mentionné, on avait dit que le fiqh, ça voulait dire quoi dans la langue arabe? La compréhension. Voyez-vous, donc, les ulama du passé, quand ils parlent du fiqh, ils parlent avec un sens plus général. Ça veut dire comprendre la religion, ça veut dire comprendre le Coran, comprendre la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, et dans un temps plus retardé, ils ont commencé à écrire des livres de fiqh. Ça veut dire parce qu'ils savaient que les gens n'ont plus de la patience d'étudier le Coran complet comme ça, verset par verset, de le comprendre, etc. Ok, on va te réorganiser toutes les règles qui sont reliées à un tel chapitre, on va les mettre ensemble. Ça veut dire ce qu'on appelle la structure académique. Mais que tu passes comme ça, que tu passes comme ça, les deux te mènent vers le même objectif, inshallah ta'ala. D'autres questions? طيب on va s'arrêter à ce point inshallah ta'ala et le reste sera pour la prochaine section inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.